2 décembre 2019, 29h du soir. Je me promène en peignoir dans les couloirs du métro. Coiffé comme un sous-bras, le sourire nonchalant. Je cherche la grande ours, mais il n'y a pas d'écriteau. Échappé d'un asile pour dissidents sociaux, je planque ma liberté à l'abri de vos seringues, armé de ma crédulité, de vos visions de dingue. Je repars à zéro. Je veux du vide, je veux du vent de la folie. Je veux du vide, je veux du vent de la folie. Qu'on oublie. Je veux du vide, je veux du vent de la folie. Je veux du vide, je veux du vent de la folie. Les tabous, les amours en cagoule, la fausse candeur des meneurs de foule. Brisez vos télés, vos postes radio, brisez vos chaînes, brûlez vos journaux. On oublie nos démagos, comme isolés dans leur écharpe drapeau. Oubliez les cuirs, les cheveux rouges bleutés, la chasse aux autres, contrôle d'identité. Je veux du vide, je veux du vent de la folie. Je veux du vide, je veux du vent de la folie. Je veux du vent de la folie, je veux du vent, je veux du vent de la folie qu'on tout refaire sur la route du pont. Ma course commence ici.